marqué toute une génération? Oui. Alors rejoins-nous le 25 avril 2026 dès 19h à La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Attention, nouvelle adresse, à La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Sur scène, Broa de Mel, Fernando Correia Marques, Nel Monteiro, Luís Manuel et DJ Booba qui nous fera danser jusqu'au petit matin. Je concours, le meilleur look. Dress code, années 80. Sortez les couleurs fluo, les palettes et les looks iconiques. Tarif, 15€ en prévente, 20€ sur place. Adhérent, 15€ plus une boisson offerte. Gratuit pour les moins de 10 ans. Restauration et buvette sur place. Venez déguster les bons petits plats. Poulet grillé, frites, bifanes, jmouerles, gâteaux, plein de gâteaux. Plein de bonnes choses, ainsi que le café et le grand bar. Viens chanter, danser, rire et revivre les meilleurs moments des années 80-90. Dans une ambiance survoltée. Rejoins-nous, anda e traz toda a família no dia 25 de abril para festejar a revolução dos cravos. No dia 25 de abril, a partir das 19 horas, na sala de La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Fiquei a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta. Quem quiser entrar, ponha dedo no ar. Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha. Pois não há melhor que o carocha do amor. Fiquem a saber toda a gente o que toda mulher gosta. Pour le moment, nous sommes certainement à une compétition d'équitation ou dans la forêt en train de chasser. En tout cas, vous pouvez nous laisser un message après le bip sonore et nous ne manquerons pas de vous rappeler. Au revoir et merci.

me sens mal. Je me sens bien quand il pleut, je ne sens rien près du feu. J'attends les vagues et l'orage pour partir en voyage. J'attends l'horreur et le pire pour donner un sourire. Je suis devenu le chef costumier de ma propre blessure. Il y a de quoi manipuler des aiguilles de haute couture. Ne voyez-vous pas, l'assemblée est morte et vous regarde droit devant. Les contre-horizons s'inclinent. Le feu propage ses idées orphelines. Adieu, adieu. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Yeah, Ed McKay. We are old. We are young. We are America. Oh, oh, quelle heure, quelle heure, ça avec vous? Climate change, destruction of the Earth's surface, and population growth are leading us to a tipping point. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel le vendredi soir à partir de 19h. C'est l'émission Mavrika, et ce depuis 16 ans. Ça fait 16 ans bientôt. Ça sera l'anniversaire au mois de juin, donc dans 2 mois. Et aujourd'hui, c'est l'édition numéro 684. Et je vous avais promis qu'on aurait des invités ce soir. Eh ben, finalement, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que, effectivement, il y avait deux personnes auxquelles j'avais pensé. Ça s'est fait, ça s'est pas fait. J'ai eu la réponse un peu trop tard. Donc on s'est dit, c'est pas bien grave, puisque on est ensemble quand même jusqu'à 22h. On va quand même écouter un maximum de musique. Et en plus, il y a autre chose que j'avais pas pensé, c'est que ce soir, eh ben, comme il n'y a pas d'invité, il n'y aura pas non plus de photos, etc. Parce que j'aurai pas le temps de les traiter, puisque je pars en vacances pendant 2 semaines. Donc ça sera notre ami Didier qui va me remplacer. Et pendant ces quelques semaines, donc, on va diffuser le maximum de musique, puisque les artistes viennent dans l'émission Mavrika, ils viennent pour nous présenter leur travail. Et ils nous laissent aussi pas mal d'enregistrements. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on écoute ces enregistrements assez régulièrement dans l'émission Mavrika. De temps en temps, on n'a pas d'invité et on diffuse le maximum de musique. Alors, depuis le début de l'émission, on a écouté les Fatal Picard avec Le Club. On a écouté Orpheum Black, un groupe de la région orléanaise, un très bon groupe que nous avons déjà reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, avec un morceau qui s'appelle Sized by Deft. Et on a écouté aussi Ombrage, qu'on a reçu déjà 2 reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec Almaria. Alex Levaille, qu'on a reçu, oh ben je compte même plus le nombre de fois qu'il est venu dans les studios, avec The Other Side, donc le dernier titre. Et à l'instant, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Dear Friend of Mine, et c'est le groupe Storyboard que nous allons recevoir dans le courant du mois de mai. On vous tiendra au courant, bien entendu, des prochains invités, hein, puisque l'agenda il commence à se remplir de plus en plus. Alors là, déjà pendant 2 semaines, il n'y aura pas d'invités. Aujourd'hui, il n'y en aura pas non plus. Donc pendant 3 semaines, on est un petit peu tranquille. Et après, je vais vous annoncer justement quels sont les artistes qui vont venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, parce que il y en a beaucoup qui sont en attente actuellement, et il y en avait certains auxquels j'ai proposé de venir ce soir et qui n'étaient malheureusement pas disponibles. Bon, c'est pas bien grave. Alors, on va continuer avec plein de bonne musique. On est ensemble jusqu'à 22h. C'est l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel. Juste après, c'est un groupe que nous avons reçu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Cyclim et le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle Dream Circle. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Attention, ça envoie. We'll be right back. to tell him. Just cannibals and spies. I don't believe in bottles, so why you don't fuck off? This world's ending soon. Et oui, mais aujourd'hui dans cette émission, on va diffuser beaucoup de musique, mais il y a quand même la petite chronique habituelle de notre ami Hervé, Hervé Japrécie, qui est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui va nous parler une fois de plus d'un artiste ou d'un groupe que nous n'avons pas la possibilité de recevoir dans l'immédiat dans l'émission, mais c'est bien de parler aussi d'autres artistes. Alors, salut Hervé. Salut. Tu vas bien ? Oui. Donc aujourd'hui tu vas nous parler de quel groupe ? Colt, retenez ce nom. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la scène belge. Est-ce que vous connaissez la scène belge ? On a eu des Belges qui sont venus une fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à deux reprises d'ailleurs, le même groupe, le groupe Question Mark. Très bien. Voilà. Mais on connaît pas vraiment les autres, hein, mais s'ils veulent se donner la peine de venir jusqu'ici, il y a pas de souci, hein, voilà. Alors vous connaissez tous les grandes figures historiques, Jacques Brel, Annie Cordy, Adamo. Jacques Brel, non, on connaît pas. Puis bien sûr que si. Puis il y a eu Morane, Arnaud, Axel Red, et récemment Stromae, Angèle, et aussi l'ovni vocal Tamino, qui commence à devenir un peu une référence pour la jeune génération. Et puis un peu plus underground, il y a une scène rock très très vive. Avec Deus, Balthazar, Girls in Hawaii, Ginzu, Suarez ou Vénus que j'adore. Mais mes derniers chouchous à moi, ce seraient plutôt les chanteuses Auchlane et Helen Hart, ou plus folle que les chanteurs Loverman et Lilac. Entre parenthèses, Lilac vient juste aujourd'hui de sortir Suivre l'étoile. C'est le premier single d'un album à venir qui sera pour une fois tout en français. Après peut-être une vingtaine d'années où il chantait en anglais. Donc à suivre, peut-être on aura l'occasion de reparler de cet album, on va voir. Il y a beaucoup de bons artistes belges. Si vous voulez tous les noms, demandez au Hergé. Hergé. Tintin, ah oui, Tintin Hergé, très bien. Ouais. Oui, parce que lui aussi il était belge. Et oui. Et une importante scène New Beat aussi. Alors New Beat, c'était dans les années 90. Oui, où on passait les 45 tours en 33 tours pour avoir des basses beaucoup plus profondes. Ah oui. Donc, et après, c'était remixé. Hein, il servait juste pour prendre les basses. Et à partir de là, il mixait encore des trucs dessus. Ouais. Ouais, donc l'acide New Beat, etc. C'est ça, House Music. Et les Belges étaient très forts là-dessus et sont toujours. Oui, oui. Et maintenant, c'est l'électro ou l'électropop. Et donc, Colt. Rien à voir avec Samuel Colt, l'inventeur du revolver qui a pris son nom. Mm-hmm. Colt, c'est un jeune duo bruxellois composé de Colin et Toitouane. C'était d'ailleurs leur premier nom. Ils s'appelaient comme ça, Colin et Toitouane, en 2018, D'accord. quand ils sont créés. Et puis, petit à petit, ils sont devenus Colt, qui est un peu la contraction de Colin et Toitouane. D'accord. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais tout effectivement, simplement. C'est tout simplement, ouais. Ouais. Alors, elle est au chant et à l'écriture des textes. Et lui, il est plutôt au clavier et aux programmations, machines, tout ce qui est la texture sonore qui fait le son du groupe. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient à Orléans il y a 15 jours en tête d'affiche de Au Festoche. Au Festoche, c'est ce festival étudiant organisé par les étudiants, un peu pour les étudiants. Et ouais, c'était le jour où tu avais fait ta chronique, ouais. Et t'es parti en disant j'ai un concert ce soir, donc je vais y aller. Donc voilà. Ça. Donc aujourd'hui, tu nous en parles. Tu fais un petit compte rendu de cette soirée. Oui, en quelque sorte. Donc ils étaient tous les deux sur scène. Et avec, ce qui m'a surpris un petit peu, trois musiciens derrière, basse, batterie et deuxième clavier, ce qui fait qu'ils jouaient vraiment tout en live. Hein. D'accord. Ouais. Mmh. Donc avec un chant très investi, hein, les idoles de la chanteuse, c'est Balavoine et De Palmas, ça vous pose un petit peu le personnage. Mmh. Elle a une belle voix, elle a presque un chant lyrique étonnamment sur un titre inédit qu'ils nous ont joué pendant ce concert, le seul. Et c'est une artiste totale parce qu'elle fait aussi, elle fabrique les tenues de scène. Ah ouais. Elle-même. Elle les fait elle-même. Elle les fait elle-même. Mm-hmm. Elle dit, je sais pas coudre, mais c'est pas grave, je me lance une machine à coudre. Et ils ont des idées comme ça. Et au niveau visuel, ça t'a plu? Ouais, bah bien. Parce qu'ils bougent beaucoup sur la scène. D'accord. Il y a une grosse énergie. Et j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux qui cherchaient à faire toute une scénographie avec qui parcourt la salle. Alors là, on n'y a pas eu droit parce qu'on était en extérieur, mais ils ont des idées. D'accord. Et donc, après, il y a des grandes scènes où on peut faire ça. Donc voilà, peut-être un jour, ils tomberont dans des scènes beaucoup plus grandes où ça sera possible de faire exactement ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà. Oui, certainement. Certainement. Leur parcours, ils ont sorti un EP qui contenait le titre Insomnie, qui avait commencé à exciter la toile en 2023. C'est là que ça a commencé à décoller pour eux. D'accord, donc c'est un groupe assez récent quand même. Très récent, ils sont jeunes. Hein. Bah oui. Et leur premier album, qui s'intitule Saveur Cœur Abîmé, sorti en 2025. Avec des textes pas bêtes qui racontent la différence, qui racontent les relations entre les êtres, qui racontent la force de se sentir vivant. Et le titre qu'on va écouter ce soir, c'est le titre qui a donné son nom à l'album, Saveur Cœur Abîmé, et il est dédié à sa maman. Et donc, je le dédie également à la mienne qui nous écoute. On va le dédier à toutes les mamans qui nous écoutent, hein, ça c'est important. voilà, il s'appelle Colt. Et je pense qu'on va se les coltiner encore longtemps. Et tant mieux. Alors, retenez ce nom. Retenez ce nom. J'écrase une clope que j'ai jamais fumée. Je chante pour pouvoir pleurer seul et crier en concert des notes que j'ai jamais montrées. Je me fais des films au fond d'un cendrier. Je charge mes batteries sur la scène. J'espère que jamais ça s'arrête. Mes plus grands rêves se sont réalisés. Je me sers un verre, saveur cœur abîmé. Je compare mes rêves et le réel. J'entends ma famille qui m'appelle, mon répondeur, le seul à décrocher. J'ai le regard et les pensées trempées. J'ai toujours nié l'essentiel, comme si t'étais éternel, depuis toujours là pour me protéger. Mais quand tu me déposes une croix sur le front, ça me donne les larmes, je me sens comme un enfant. Avant mes départs, loin de la maison. Mais quand c'est toi qui pars, tout s'effondre dans ma tête. Je rejette le temps qui s'arrête. Je me sens si loin de toi. Je me sens si loin de toi. Tout s'effondre dans ma tête. Je rejette le temps qui s'arrête. Je me sens si loin de toi. Je me sens si loin de toi. Je t'avais promis hein, de jamais fumer. Et moi j'ai cru que tu changerais jamais. Même les racines évoluent et mon enfance est révolue. Si j'avais pu parfois la freiner, j'aurais couru derrière nos rires. Et si j'ai raté les souvenirs, ça t'a jamais empêché de m'aimer. Mais quand tu me déposes une croix sur le front, ça me donne les larmes, je me sens comme un enfant. Avant mes départs, loin de la maison, tu sais moi aussi, je vais vieillir maman. Mais quand c'est toi qui pars, tout s'effondre dans ma tête. Je rejette le temps qui s'arrête, je me sens si loin de toi. Je me sens si loin de toi. Tout s'effondre dans ma tête, je vois déjà le temps qui s'arrête. Je me sens si loin de toi, je me sens si loin de toi. Courir sans arrêt. Tu me déposes une croix sur le front. Ça me donne les larmes, je me sens comme un enfant. Avant mes départs, loin de la maison. Tu sais, moi aussi, je t'ai vu grandir, maman. Mais quand c'est toi qui pars, tout s'effondre dans ma tête. Je vois déjà le temps qui s'arrête. Je me sens si loin de toi, je me sens si loin de toi. Tout s'effondre dans ma tête. Je vois déjà le temps qui s'arrête. Je me sens si loin de toi, je me sens si. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel où nous avons toujours Hervé qui nous a présenté donc le groupe Colt. Et nous avons aussi Didier qui, pour l'instant, est resté bien sage. Et pourtant, je sais qu'il aime bien parler au micro. Ça va, Didier ? Ouais, ça va, j'ai écouté mes pétards, c'est bien Colt. C'est bien Colt. Alors, qu'est-ce que tu penses une fois du groupe Occult, hein? Ah, bah écoute, la Belgique a de bonnes choses. Ils n'ont pas que les frites et la bière, hein. Il y a des belles voix aussi. Il y a des belles choses. Il y a des bons dessinateurs. Très bien. Il y a plein de personnes agréables parce que je connais un petit peu la Belgique et j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois. C'est vrai que moi, j'ai été dans beaucoup de pays, mais alors la Belgique, j'ai jamais été. Et pourtant, à chaque fois que je rencontre des Belges, c'est toujours des super personnes et tout ça. Et on a eu la chance de recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques années un groupe qui était venu faire des concerts et qui s'appelait Question Mark, avec lesquels on avait super bien sympathisé. D'ailleurs, ils étaient revenus une deuxième fois, donc pour te dire. Les Belges sont des personnes très, très attachantes et vraiment sympathiques, très festives. Mmh. Puis ils aiment bien boire une bière une fois. une fois, hein, seulement. Très bien, donc merci en tout cas Hervé de nous avoir fait découvrir Puis ça m'a permis de découvrir en fin de concert un petit groupe de fans très sympathiques et le duo est descendu sur la pelouse pour alors qu'on n'y croyait plus pour rencontrer le public. Donc c'est sympa ça, moi j'aime bien justement les gens qui sont très proches des fans qui restent, parce que il faut savoir que je sais une fois j'ai entendu des témoignages comme ça où on me disait tiens il y avait tel groupe bon, je vais même pas citer le nom, mais c'est un artiste américain qui s'était produit au Rock in Rebrèche. Je n'irai pas plus loin que ça. Et on m'avait dit que justement les fans étaient là pour l'attendre. Il les a fait patienter pendant je sais pas combien de temps. Et à la fin, il s'est barré comme un voleur. Et puis il a pas voulu aller voir ses fans, ce qui n'était pas très sympa. C'est pas cool. Donc voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Et heureusement, il y a aussi des gens qui sont vraiment sympas et qui sont vraiment dans le partage. Et quand ils donnent de la musique, ils ont aussi envie d'avoir l'impression des autres personnes qui ont écouté leur travail pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Et puis souvent c'est très positif, hein, c'est un échange, c'est une rencontre, c'est super bien quoi. Donc n'hésitez pas, moi je sais que bon, parmi tous les artistes que j'ai reçus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, la plupart du temps quand je leur pose la question, ils sont contents de rencontrer les fans. Donc n'hésitez pas, au contraire, allez les voir, ça les encourage parce que ça les booste. Et quand on a passé un mauvais moment, on va pas les voir. Quand on a passé un bon moment, on va les voir, on leur dit bravo, j'ai bien aimé telle chose, telle chose. On va pas les voir, je suis pas entièrement d'accord. Il faut savoir aussi leur dire. T'as pas été bon, Si tu les connais, à la limite, tu dis bon, écoute, aujourd'hui, tu t'es pas au top de ta forme parce que tu le connais. Si tu le connais pas, ne va pas le voir. Non, je pense que ça va lui régner une morale. On en a parlé déjà plusieurs fois. Surtout juste à la sortie d'un concert comme ça. Ouais, et puis le gars, il s'est donné à fond et tu vas le voir, tu dis ouais, bah, c'était pas terrible, mon petit gars, il va falloir encore du bois. Non, je pense que voilà, il faut vraiment le dire quand c'est bien. Et après, à la limite, on peut lui dire, tiens, j'ai bien aimé ton truc, mais il y avait, à un moment, il y a un petit machin qui allait pas trop bien. On peut lui dire aussi, ça peut lui permettre de reconstruire. Savoir accepter les critiques aussi. Et après, il y en a qui sont très friands de retours et de critiques. Des critiques constructives. La critique, qu'elle soit d'un côté ou qu'elle soit de l'autre, elle est toujours constructive. Il faut savoir la prendre, c'est tout. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les haters. Donc, des gens qui, de toute façon, diront toujours du mal. Moi, je hate les haters. Voilà. Donc voilà, c'est une chose comme ça. Donc allez voir les gens, allez les encourager, allez parler avec eux, dire simplement qu'on a passé un moment, etc. Et si vraiment ça vous a pas plu tout ça, bon bah il y en a pour tous les goûts et allez écouter autre chose après. Il y a d'autres concerts. Il y a d'autres concerts. Il y a plein de choses. Il y en a plein des concerts. Ça va commencer. C'est la saison là à fond. C'est comme les pâquerettes là, ça commence à pousser dans tous les sens. Il y en a partout. Hein. Donc effectivement, il y a pas mal de concerts. Donc ce soir, il y a le titre que j'ai calé juste après, c'est le groupe Red Daff. Ils sont en concert ce soir. Moi j'aurais dit les amis, je peux pas y aller. Ils sont chez eux là. Je sais même plus exactement. Je sais qu'ils sont en concert. Mais je sais plus exactement. Je dirais des bêtises. On peut le rechercher. Hein. Alors j'ai calé un morceau. C'est pas leur dernier album, mais c'est un morceau que j'aime bien. J'aime bien. J'ai vu celui qu'ils avaient calé. Apache. J'aime bien comme un Apache. Ouais. Et puis c'est toujours un plaisir de les écouter. Et en plus, il y a eu un petit peu de changement. Hein. Dom, le bassiste, a été remplacé par Pascal. Donc il y a un petit changement qui s'est fait dernièrement IFP, Infernal Flash Pep, qu'on avait reçu ici. Le groupe n'existe plus, mais maintenant il a rejoint les Red Daff. Les Red Daff, ils continuent. Et ce qui est marrant aussi, c'est que Red, c'est la couleur, Daff, c'est Dominique. à Antoine, François et Fabrice. Et là, il y a un changement. Donc, je crois qu'ils gardent quand même le nom. Ils vont pas le changer maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Change pas un nom qui gagne. Voilà, un nom qui gagne. Surtout les Red Dab, c'est quand même un les super, super groupe. Merci Hervé, en tout cas, pour cette chronique. Avec et puis, plaisir. Donc, pour la semaine prochaine. On va voir. Donc moi je suis pas là, mais tu vois avec notre ami Didier si tu veux venir faire ta petite chronique, y a pas de souci hein Didier. Oui, bien sûr. On a un peu de place pour la porte est ouverte. Tu sais comment on fait, on sonne. Ouais, ouais. Il fait partie de la famille, donc voilà, ouais. C'est comme ça. Très bien, on continue en musique. Et puis on écoute. Parce que c'est moi la semaine prochaine. La semaine prochaine c'est toi, oui, qui me remplace. C'est t'es encore en vacances. Ouais, je serai très loin. Tu seras pas en Bretagne là. Non, pas là. Un petit peu de l'autre côté de la terre. Pas loin, hein. Ouais. Effectivement, à je sais plus combien, 11 heures de vol, ou je sais pas combien, plus l'escale, etc. Ça reste de très long. Moi, je fais mais 3 heures de vol en général. Hein. Ça, c'est mon émission. Ah oui, ouais. Parce que toi, c'est ton émission. Donc, j'ai écouté hier, c'était super bien. Ah, en plus. Ouais, franchement. Tu avais quand même une personne que tu invitais ici dans les studios. Très sympathique. Qui est très sympathique. J'en suis encore sous le charme de la personne. C'était et le charme Cassandre, c'est ça. Cassandre. Donc, elle pourrait presque faire de la radio parce qu'elle était vraiment sympathique. Elle nous parlait d'un sujet qui était assez poignant, assez chaud. Ouais, l'autisme. L'autisme. Et on s'est dit, bon, quand on parle d'autisme, quand on parle de trucs comme ça, ça plombe un petit peu. Et non, franchement, c'était pas super facile à préparer parce que c'est des sujets qui sont délicats, je veux dire. Et voilà, on peut être sur une planche à voler, mais c'est vrai qu'amené comme ça a été amené par cette personne-là, que je connaissais de contact par le biais des réseaux, mais pas de visu. Et quand on s'est vu, on s'est tout de suite compris, et quand elle est arrivée là, elle était chez elle, quoi. Je veux dire, c'était, Non, c'est vrai que vraiment, son intervention au micro. Sincèrement, j'avais toujours des choses à dire, toujours des choses, en plus, toujours positives, donc j'ai beaucoup apprécié cette émission-là, effectivement. La première émission où j'ai eu d'autres retours sur d'autres émissions, mais là, vraiment, de gens que je connaissais pas, des retours à chaud. Il y en a un qui m'a même écrit un petit mot, il y avait marqué, bravo, je pense qu'il s'appelle, je l'ai en face de moi. C'est toi qui m'as envoyé un petit message. Franchement, quand tu reçois un bravo de ton parrain, tu sais que surtout d'une entité, sur toi. J'ai trouvé ça super agréable. Ouais. Et donc moi, j'ai pas pu venir dans le studio, mais j'ai écouté. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de j'avais des choses à faire, mais j'avais la possibilité d'écouter pendant que je faisais certaines choses. J'ai trouvé super agréable. Ouais. L'émission est super bien passée. Et il y a des gens qui ont été extrêmement touchés par la musique, par les choix des morceaux que j'avais fait. J'ai fouillé un petit peu, j'ai cherché. Il y avait elle les connaissait pas. Enfin, elle en connaissait deux, je crois. Simon Garfunkel et Cyndi Lauper. Et sinon, les autres, elle les connaissait pas. Et elle m'a demandé ce matin, au réveil, j'avais un petit message, Didier. Déjà, elle connaissait pas ton émission. Elle connaissait pas Marika. Donc, normalement, Attends. Est-ce qu'il y a encore des gens qui connaissent pas l'émission Marika? La preuve, elle est venue d'abord. On pensait qu'on avait cerné tout le monde, mais pour l'instant, non. Donc, ton petit mot m'a touché. Et j'ai reçu deux autres messages, ce matin, qui m'ont aussi touché, de personnes, dont une maman d'un enfant qui est décédé et justement qui était autiste. Et voilà, c'était poignant et je suis désolé de vous avoir fait pleurer, madame, mais bon, ça fait partie des choses. Non, vraiment, sincèrement, c'était une super émission. Et d'ailleurs, moi, tu vois, j'ai eu un peu de temps, j'ai écouté plusieurs émissions et c'est vrai qu'on a des animateurs sur Radio Arc-en-Ciel qui ont vraiment des styles particuliers. Des styles différents. Oui, chacun a vraiment sa couleur. Ouais. Et moi, des fois, c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre différentes émissions parce que, effectivement, moi, comme les autres auditeurs, j'ai pas le temps d'écouter les émissions 24 heures sur 24 sur Radio Arc-en-Ciel. Donc, je connais les animateurs. J'ai cette chance-là. De temps en temps, il y a des petites réunions, on se retrouve et tout ça. Et quand on a la possibilité, on se branche aussi sur 96.2 MHz, dans la voiture, n'importe où. On apprend toujours, et on écoute des émissions différentes. Et des fois, on dit, ouais, super. Et on se dit, heureusement qu'on a Radio Arc-en-Ciel parce que toutes ces émissions, elles ont leur place ici, peut-être pas dans d'autres radios. Donc, continuons à faire cette radio. Je pense, cette radio-là, qui sont vachement, vachement. J'en suis de plus en plus convaincu et ce qui permet aussi, de faire des clins d'œil, de passer, comme tu le fais aussi bien, les artistes locaux. D'ailleurs, il y en a un qui doit être derrière, que j'ai totalement oublié hier. Bonne fête, Alex. C'était la Saint-Alexandre. Ah, c'était la Saint-Alexandre. Ouais, donc, on va lui fêter derrière, un petit peu retard. Voilà. Bah, de toute façon, on a commencé avec un de ses morceaux. Donc, oui, on a commencé avec un morceau et il nous a déjà dit bonne émission. Ouais. Donc, on l'embrasse très fort. Ouais, Alex. J'ai vu ça hier. J'étais tellement dans mon truc, j'ai pas repensé tout à l'heure. Je dis, on peut pas penser à tout, mais voilà. Mieux retard que jamais. Ouais. Ah voilà, et voilà, tous nos petits, enfin nos petits, ça fait, c'est pas péjoratif, c'est voilà, tous les artistes que l'on entoure et tout ça, et qui nous le rendent, c'est plaisant. Ouais. Voilà, dans l'émission Mavrica, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on reçoit aussi bien des artistes professionnels que des amateurs ou que même des gens qui jouent dans leur chambre et qui font très peu de concerts. Parce qu'on a vraiment la place pour tout le monde. Et à partir du moment où ils ont un travail qu'ils défendent et qu'ils ont envie de faire connaître, eh ben, on les reçoit avec beaucoup de plaisir. Et des fois, on fait des super émissions avec des artistes qui, des fois, ne sont absolument pas connus. On voit des gens passionnés comme j'ai à côté de moi, là, sur ma droite. Hervé, ouais. Et c'est vrai que bon, voilà, on échange, on discute. On parle un petit peu. Il nous fait découvrir pas mal de voilà, bonne musique. Il est dans un registre qui est différent. Ouais. Parce que nous, on voit beaucoup les artistes régionaux, locaux. Et là, il nous fait découvrir jusqu'à la Belgique. Tu te rends compte hein, jusqu'à la Belgique, ouais. Parce que nous, avec nos studios, on a du mal à aller jusque là-bas. Mais s'ils veulent venir dans les studios, moi, j'ai toujours dit, souvent, c'est des gens de la région centre et d'ailleurs. Mais si vous voulez venir des États-Unis, d'Australie, de l'Inde ou n'importe où, venez. Un groupe russe, même, pourquoi pas, dans l'émission Maverick. On les recevra. La Russie, il faut faire attention quand même. Hein. Et quoi qu'on a une super DJ qui est à Paris et qui serait notamment la fille à Poutine, mais bon ça c'est une elle est sous un faux nom, elle serait DJ dans une boîte à Paris, ouais. D'accord, bon, très bien. Bon, il vaut mieux faire DJ que comme son papa, hein, à la limite. Oui, ouais. Très ça bien. Fait moins de mal. Ça fait moins de mal, fait, surtout. Ouais. Bah ça fait du mal aussi parce qu'on parlait tout à l'heure justement des ça fait du mal pour les autres pays hein, qui sont attaqués, je pense à l'Ukraine tout ça. Mais ça fait du mal aussi aux jeunes Russes parce qu'il y en a certains qui disparaissent tous les jours. Même, donc les jeunes Russes, les Ukrainiens, enfin tous ces pays-là, même dans les pays d'Orient et tout ça, c'est catastrophique quoi. Il faudrait que c'est. Enfin bref. Ouais, et puis il faut savoir que dans tous les pays il y a des bonnes personnes, donc c'est à celles-là qu'on pense. Et puis voilà, en tout cas on va continuer cette émission, ils peuvent l'écouter n'importe où dans le monde grâce à www.radio-. Ils peuvent surtout écouter les podcasts. Les podcasts. Et je refais encore un clin d'œil à Florian parce qu'il fait un boulot extraordinaire. Et moi ce matin, j'avais pas mon podcast, je pleurais parce que je l'avais pas. Et il m'a envoyé un petit message et comme il le fait enregistrer, pour lui c'est plus facile et à 11h. Enfin, vers midi, je l'ai tout de suite mis. C'est vrai que je l'ai réécouté et je sais que ce soir, il pourra peut-être pas travailler parce qu'il a des problèmes techniques, ouais. On va dire. Mais merci à toi si tu nous écoutes, Florian, de tout ton travail. Ouais. Ça nous permet de nous réécouter et de voir que des fois, on balance deux fois le même titre. Voilà, merci. Ouais, ça c'est moi aussi j'ai vu Clock on Wood, ouais, Danny Stewart, tu l'as passé deux fois. Enfin non, la première est entière, la deuxième tu t'en rendu compte j'étais un petit peu perturbé dans le studio parce qu'on avait quelques problèmes techniques. Ouais, il y avait des petites interventions pendant que tu faisais Jess qui était là qui bougeait un petit peu à côté du PC et quand j'ai pas appuyé sur le bon. Je m'en suis tout de suite rendu compte. Il y avait Francis Zegut qui faisait ça exprès. Hein? Par un moment, il disait « Allez, c'est tellement bien, je vous le mets une deuxième fois. » Ah ouais, non, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est une deuxième version, c'était la même. C'est la deuxième version. Et effectivement, comme tu me l'as enseigné, il faut pas dire « Ah, je vous prie de m'excuser, tout ça. » Non, tu laisses glisser, tu passes. Et à la radio, ce qui passe. Et ce qui est fait, est fait. Ouais, on revient pas dessus, et puis c'est pas grave. On revient sur les bonnes choses. Les trucs, des fois, qu'on a un peu loupé, ça arrive à tout le monde. Dans tout le monde, dans tous les métiers, il y a toujours des choses qu'on fait pas toujours très bien. Mais c'est pas grave, on revient pas dessus. J'avais juste un petit message à passer aux éditeurs, aux auditrices qui nous écoutent. Si vous avez un coup de fil à passer. Si vous écoutez la radio et que vous avez envie d'appeler l'animateur, attendez qu'il ne soit pas à l'antenne. Voilà. Attendez qu'il ne soit pas au micro. Attendez qu'il y ait une musique pour l'appeler. Voilà. Parce que hier, on l'entend dans l'émission. La personne que je n'ai pas eu d'ailleurs, parce que je n'ai pas répondu. J'étais la fin de mon premier morceau pour mettre le deuxième. Donc tu vois, j'étais et là ding ding ding ding ding ding sur Radio Arc-en-Ciel. Je remets un petit peu les choses. Sur Radio Arc-en-Ciel, on n'est pas comme dans les grandes radios. Faites sonner le téléphone. Où il y a justement une personne qui est à la technique, l'autre qui est au téléphone. Nous, on est tout seul. On fait tout. Donc, forcément, lorsqu'on parle, on ne peut pas répondre au téléphone, on ne peut pas non plus caler un autre morceau, on ne peut pas tout faire, tout ça. Donc, nous, on travaille un petit peu à l'ancienne, mais on aime bien ce côté-là. J'avais Cassandre qui me regardait, parce qu'elle voyait le flash, tu sais, quand on est dans la studio. Puis, on ne devrait pas avoir la sonnerie, mais on avait la sonnerie. Elle devrait être coupée, mais bon, c'est comme ça. Et elle me regardait, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle disait, il faut qu'on évacue le studio. C'est bon. Je gère. J'ai rien du tout, je l'ai laissé sonner. Mais bon, voilà quoi. Voilà, j'ai été la voir, elle me dit qu'est-ce qui s'est passé. On peut pas tout faire en même temps, voilà, tout simplement. Très bien, on écoute un peu de musique parce que là, on papote, et si ça continue à 22h, on y est encore. On écoute Apache avec le groupe. Allons-y. Red Duff. Come on. patience, you got it, I got it, tomorrow I'll be down. Lost actions, you got it, I got it, tomorrow we don't. So we show made of art style and I know nothing else. Take all your spills and don't know what I mean. You talk too much, they want to make you fail. Well, I'm controlled, but my mind's okay. My life is sick cause I don't know where to hide. This is over my veins, seen on by my skin. Cause I spend too much time to hide. You talk too much, you are ready. You talk too much, you are radio. I think it's because my love sucks. I spent the war and wait for your anger to grow. I wish I could run your life if you get in my way. Kill you. Don't spend your time, don't spend your money. You get bullshit inside the peace of the lies. Can't buy silence for money. You keep on trying, you can't touch me. You talk too much, you are radio. You talk too much.

Voilà, on fait une petite pause dans la musique parce que on aime bien papoter aussi un petit peu. C'est ce que nous dit d'ailleurs le groupe Yeti. On a écouté un morceau qui s'appelle You Talk Too Much, ou Tu parles de trop. Voilà, on parle de trop des fois, hein, c'est un peu... ouais, j'ai bien allumé ton micro, Didier. Donc des fois, on parle de trop. Hein, donc, on a écouté plusieurs morceaux. Hein. Alors, on en est où? Qu'est-ce qu'on a présenté? Qu'est-ce qu'on n'a pas présenté? On a écouté. Tu papotes au téléphone et voilà, tu sais pas ce que tu fais. C'est pas bien. Ça. Non, c'est-à-dire, pendant que je téléphone, je cale les morceaux, je les marque sur Internet parce que il y a le programme de l'émission Maverica avec tous les groupes qu'on passe. Donc, et là, je suis en train de vous le lire en direct. Donc, on a passé. Depuis tout à l'heure, on a écouté Storyboard, un groupe qu'on va recevoir dans le courant du mois de mai. On a écouté Siglin, qu'on a reçu aussi avec un morceau qui s'appelle Dream Circle. Et en plus, c'était l'instrumental, c'est un morceau très court. Dans les prochaines émissions, on essaiera de passer un morceau un peu plus long. On a écouté aussi le groupe que nous avons reçu la semaine dernière, donc un groupe fantastique, on va dire ça comme ça, formidable. On a des bons groupes dans la région orléanaise, et c'était le cas donc avec le groupe Dark Matter. Donc Dark Matter Orléans, si vous le cherchez sur Internet, vous mettez Orléans derrière, vous tombez sur eux, parce que sinon vous risquez d'aller sur d'autres choses, des trucs d'astronomie ou des choses comme ça. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Supernova, donc un truc d'astronomie aussi. on a écouté Last Rider, voilà, qu'on avait été voir en concert, toi et moi, on avait été les voir en concert, et c'est vrai qu'on passe souvent Metal Maniac parce que c'est un hommage à Fred qui avait l'émission Metal Maniac sur Radio Arc-en-Ciel il y a quelques années, donc c'est vraiment un hommage, on aime bien dépasser ce morceau-là, mais ils en ont aussi beaucoup d'autres, hein. et ça on s'est dit, tiens, on va en passer un autre, ça s'appelle Out of Control, et tout est sous contrôle dans l'émission Maverica, mais dans le monde, j'ai pas l'impression que ce soit exactement pareil, c'est-à-dire que moi-même, si tu vois, je fais un petit peu les choses à l'arrache, j'arrive quand même à faire des choses à peu près convenables, et il y en a certains, des fois, tout soit sous contrôle, alors tout n'est pas sous contrôle, ce contrôle me fait peur. Donc on a écouté aussi notre ami Marc Albert, qu'on nous avons reçu ici il y a quelques temps, pour représenter le groupe The Wild, mais Marc Albert a aussi ses morceaux à lui. D'ailleurs, il nous en avait apporté un. Et celui qu'on... Ouais, notamment un très joli... excuse-moi de te couper, mais un très joli 33 tours. Ouais. Super magnifique. Ouais, super. Moi, je l'ai chez moi. Je suis très fier de l'avoir. Je suis fier aussi. J'ai pas de quoi l'écouter. J'ai plus de platine. Mais c'est un cadeau, ça, qui m'a touché. Et le morceau de Marc Albert qu'on a écouté, ça s'appelle « I hate train, I don't believe ». Voilà. Et en plus, Marc Albert, je crois qu'il revient avec son nouveau projet. On en parlera peut-être tout à l'heure. Dans le courant du mois de mai ou juin, je ne me souviens plus exactement. J'ai entendu que tu avais fait tu avais amélioré ton anglais. C'est du fait que tu partes aussi que... Yes, of course. Yes, of course. For sure. Je peux parler, moi, avec mon anglais. For sure. Donc justement, on parlait d'anglais et puis on a écouté aussi les Red Daft. Ah non, avant on avait écouté aussi les Noitol. Noitol, que j'ai eu la chance de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le morceau s'appelle I Don't Care. C'est un morceau que j'aime beaucoup, hein, et que j'ai diffusé pas mal de fois dans l'émission. Et voilà, rebelote aujourd'hui. Les Red Daft avec le morceau Apache. Donc je parle pas encore l'Apache, mais je parle... Tu parles indien, tu parles Sri Lankais, Singalais, ouais, ou Tamoul, Tamoul. T'oublieras pas mon sachet de thé, hein. Ok, hein, il est excellent. Excellent. Très bien. Donc on a reçu aussi un groupe qui s'appelle The Last Magic Door. Ils sont venus une seule fois et on les a écoutés tout à l'heure. Septembre, octobre. Avec The Wizard. Ouais. Donc je sais que régulièrement ils nous envoient des petits messages, tout ça pour l'émission et tout. Donc ça nous fait plaisir aussi de diffuser leurs morceaux parce que franchement c'est un plaisir. Les Twister Cover, un groupe qu'on aime beaucoup aussi. Hein. Voilà. Ouais. Et puis le morceau qu'on a écouté s'appelle Rescue. Le groupe Yeti, donc le fameux You Talk Too Much. On parle beaucoup trop dans l'émission Maverica. Sébastien. Avec Sébastien et puis les autres membres. Hein, c'est vrai que ça a changé, mais ouais. Sébastien, c'est constant. On a écouté aussi les Dirty Charlie. Tu les connais, toi, les Dirty Charlie? C'était pas ceux qui étaient venus la dernière fois, qui partaient. Il y avait dans Modern, il y avait Georges qui faisait partie des Dirty Charlie. Voilà, le monde est petit. Hein, et c'est vrai que si t'étais pas là qu'on avait reçu les Dirty Charlie, t'étais là qu'on a reçu les modernes. Voilà. J'ai préparé des dossiers dans lesquels j'ai mis plein de musique. C'était Dirty Kitten. C'est encore autre chose. Alors moi j'ai préparé des dossiers pour que tu diffuses dans les prochaines émissions et je t'ai mis du mot d'arme, du Dirty Kitten, de. Je vais pouvoir te les piquer pour les mettre dans mon émission. Bah tout à fait. Bah le but il est là, c'est qu'on diffuse au maximum les artistes de la région, parce que si on le fait pas nous, bah qui c'est qui va le faire, hein? Voilà. Le Père Noël, parce que c'est un secret, mais le Père Noël il n'existe pas. Non, mais ça, c'est, il faut pas le dire. Il y a des enfants qui écoutent. À partir de 22h, peut-être, mais pas avant. Dirty Charlie, L'Or et le Sabre. Et à l'instant, on vient d'écouter un groupe que j'ai eu la chance de recevoir ici. Il y a quelques temps, malheureusement, ils ont joué aussi dans un Maverick Live. Malheureusement, le groupe n'existe plus. Par contre, je crois que tu as recruté dans ton groupe à toi le bassiste Mustafa Adjab, qui est le bassiste maintenant de Blues Tomahawk New Generation. On a fait juste un petit concert, mais on n'est pas encore au top, mais ça va venir. Mais voilà, c'est bien que Crossband se soit éclaté, j'ai pu récupérer Mousse, et donc, sincèrement, chapeau l'artiste, il doute toujours de lui, hein, c'est jamais bon. Moi je réécoute. C'est un perfectionniste, où je le connais bien, c'est un perfectionniste. Et puis donne son avis, c'est quelqu'un qui est très franc, Je vais être sincère avec toi, et avec vous, moi, il m'impressionnait. Enfin, il m'impressionne toujours au niveau musical. Mais voilà, je n'ai pas du tout réticent à le prendre avec nous, non, loin de là. Mais ça me faisait un petit peu peur. Parce que bon, il a quand même un niveau qui est nettement au-dessus du nôtre. Hein. Il a joué en pro. C'est pas un débutant, c'est sûr. C'est pas un débutant. Et voilà, la chose est faite. En plus, bon, il a retrouvé son ancien batteur, Chabok, Christophe, et voilà, la ligne de basse le fait, la rythmique le fait très bien. Et voilà, tant mieux que Crossband se soit éclaté, se soit séparé. Comme ça, j'ai pu récupérer un de leurs éléments, et voilà, j'en suis fier. Mm-hmm. J'en suis content et fier. Donc, le groupe The Crossband, en attendant, il a participé à Maverick Live. Bien sûr. Il est venu dans l'émission. Le groupe n'existe plus parce que, bon, ça fait partie de l'histoire de la musique, c'est comme ça. Mais ils nous ont laissé quand même des enregistrements qui sont super agréables à écouter. Ouais, on a écouté d'ailleurs... rock australien. Au rock australien. Nils et Jean-Marc. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Escape. Voilà, donc on va s'échapper. Nicolas Auchan, ouais. Très bien. Tiens, on va parler de certains événements aussi, parce que il y a un événement qui est très important, c'est le samedi 19 septembre 2026. Donc il faut savoir qu'il peut y avoir des petits concerts, mais là c'est carrément le premier festival de plein de groupes différents. Ce que j'allais dire de métal, mais c'est pas que de métal. Cette fois-ci, il y aura du rock, il y en aura pour tous les goûts. Il y a quand même 8 groupes qui vont jouer dans la même journée, le 19 septembre donc 2026. C'est au parc culturel du Val d'Ardoux, c'est à Dry, donc ça s'appelle le Zik and Drive. C'est voilà. Juste l'Ordry, ça se situe juste à côté de Moins-sur-Loire. Mm-hmm. Hein, voilà, on traverse le pont, on passe Moins-sur-Loire, on traverse le pont, on passe devant chez notre ami Jean-Mi, un guitariste que je connais, marinier que je connais, et là tout droit c'est direction Dry, ou alors on passe par l'autre côté, par la Côte Marot et tout ça pour y aller. Très bien, aujourd'hui il y a des GPS, donc on tape simplement parc culturel du Val d'Ardoux et on y va. Donc j'avais 6 ans, 5 6 ans. D'accord, mais il y avait pas le festival à ce moment-là. Et non. Et voilà, c'était pas le bon moment. Donc je crois qu'il y a des préventes déjà, donc il faut y aller dès aujourd'hui, parce que on sait jamais, il risque de plus y en avoir dans quelques temps, ça se trouve. Ouais. Tout le monde va se précipiter et donc il y aura quand même 8 groupes, si je me trompe pas, on va les compter, on va voir si je me trompe pas. Il y aura Earthline, franchement, je les ai vus au Creek Fest une fois. C'est un groupe qui envoie, franchement, j'étais impressionné vraiment par les musiciens. Je me souviens très bien du guitariste qui était affolant, le chanteur qui a une voix et des beaux cheveux au vent. Donc Earthline, franchement, un superbe groupe, et donc ce sera vraiment un plaisir de les revoir. Ils étaient déjà venus à Orléans. Il y aura le groupe Sevi, donc c'est du métal alternatif moderne, qui vient de Bulgarie, carrément, tu vois, international. Il y aura Kingdom of Toto, donc c'est un groupe de tribute de Toto. Alors Toto, tout le monde connaît Toto, des sacrés musiciens. Oui, 0+0. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Enfin, je sais pas si c'est le même ou pas. Ouais. En attendant, bon, 0+0, ça veut dire qu'il n'y a rien dans la tête. Mais là, franchement, c'est des musiciens, des superbes musiciens. Toto, c'était quand même, moi, j'adorais vraiment. Je crois que tout le monde aimait vraiment ce groupe-là à cette époque-là. Donc, il n'y avait pas la possibilité, ils n'étaient pas dispo ce jour-là. Donc, il y aura Kingdom of Toto qui sera là pour interpréter les morceaux de Toto. Il y aura le groupe Hit, donc c'est du Hard FM qui vient de, tenez-vous bien, de Suède, carrément. Suède, ouais. Hit, donc un superbe groupe. Il y aura Crucified Barbara. Barbara, ouais, voilà. Donc, Barbara crucifiée. Donc là, c'est du hard rock féminin. Qui vient aussi de Suède. Ah ouais. Et en plus hard rock féminin. Et donc, puis des suédoises, hein, les gars. Ouais. Donc hard rock, ça va être chaud, hein. Et en plus les gars et les filles, bien sûr. Bah heureusement. Mais moi je trouve que c'est bien parce que à un moment le rock c'était réservé aux hommes, hein, pendant un certain moment, la musique en général. Et je me souviens de quand il y a eu les Blondies, les Pat Benatar, la chanteuse de Pretenders, etc. Et là, on s'est dit, les femmes, elles sont capables de faire des trucs aussi bien que les mecs. même mieux. Et différents. Pour ça. Voilà, on fait pour tous les goûts. Et c'est vrai que, aujourd'hui, il y a des groupes exclusivement féminins. Les brunettes. Brunettes à nous, hein. C'est dans la région. Ça, c'est nos brunettes à nous. On ne touche pas à nos brunettes, hein, les gars. Voilà. Mais il y a pas mal de groupes où il n'y a que des filles comme ça. Et je trouve que c'est super génial, quoi. Voilà. Il faut vraiment aller voir ces groupes-là. Donc là, c'est des Suédoises qui seront là. Hard rock féminin. Crucified Barbara. Voilà. Il y aura aussi, alors je vais pas le dire en anglais. 51-50, donc 5150. 51-50 Ouais, je sais pas. Ouais, 51-50. Ouais. Ah, 51-50. Tu le dis bien. Ah, yes. Il est très fort. C'est un tribute de Van Halen. Carrément. Van Halen n'était pas disponible, donc ils ont dit prenez le tribute, ils le font aussi bien. Ouais, ça coûte moins cher. Et c'est un groupe français, donc à mon avis, il coûtera un petit peu moins cher, mais n'empêche que c'est quand même des super deux artistes, donc c'est des artistes qui vont quand même, j'espère, attirer beaucoup de monde. Il y a des très bons tributes. Donc il y a aussi un groupe. Alors là, je ne sais pas, c'est Ashley HN4. C'est un tribute to Extreme, donc le groupe Extreme, vous connaissez le groupe Extreme, et là c'est un tribute de ce groupe là et c'est un groupe français aussi. Et il y aura aussi un groupe que j'ai déjà entendu parler, un groupe que je suis déjà depuis quelques temps. Ils envoient quand même du bois. C'est un groupe de la région orléanaise, puisque c'est écrit FR, donc ça veut dire français. C'est un groupe français. Ça s'appelle Prisma et c'est du hard mélodique. Et donc c'est des cas que je connais très bien. Ah, tu connais Prisma, toi? Ouais, Prisma. Bah oui. Attends, je connaissais quand c'était Prisma. Ils sont devenus Prisma. Ah oui, carrément. Prisma. Alors. Tu connais Christophe alors? Oui, il me semble que je connais. Ouais, je dois le connaître. Ouais, ah. Il fait partie du groupe. Hein. Je crois qu'il joue. Il joue un instrument où il y a 6 cordes, etc. Et enfin, il nous écoute. Alors, ce que je veux dire, c'est à partir de midi. Hein, ça commence à midi parce qu'il y a quand même 8 du groupe qui vont se suivre, etc. Apparemment, il y aura 2 scènes, donc ils vont alterner. Le prix d'entrée est en prévente, il est à 55 €, parce qu'il y a quand même 8 groupes, c'est dans la journée. Vous passez là-haut une journée formidable. Et sur place, ça sera 66 €. Donc faites les préventes, ça sera beaucoup plus avantageux. Vous gagnez 11 balles. Hein. Mais moi, je trouve super bien, c'est organisé par le Krik Forzik, donc l'association que nous avons reçue il y a quelque temps, et qui organise comme ça des concerts. Et franchement, si vous y allez pas, c'est que vous allez louper quelque chose. Donc c'est vraiment. Et puis il y a des gens aussi qui disent ouais, mais c'est pas mon style, etc. C'est quoi le style? Le style, on va là-bas, on découvre des articles qui sont bons et on les applaudit et on est content. Voilà. Ce jour-là, il n'y a pas aquaponé. Toutes les piscines sont fermées parce qu'ils sont en train de les nettoyer. Donc allez-y. Ouais, il faut y aller de toute façon. Ouais. Et puis il va faire beau, j'en suis certain. En plus. Voilà, donc voilà pour la petite annonce parce que c'est vraiment bien. Super affiche et je crois que c'est bien d'en parler dans l'émission Maverica parce que. On en parle beaucoup. Alors, on va rappeler aussi qu'il existe des groupes sur Internet où on peut regarder les sorties. Il y en a un qui s'appelle Un faux concert région centre Val de Loire. Voilà. De mémoire, t'as vu. Donc un. Ouais, j'ai déjà vu passer. RCVL, c'est ça. RCVL. Voilà. RCVL. Et dedans, il y a. C'est toi qui t'en occupes. Hein. Ouais, c'est moi qui l'ai créé et qui l'ai fondé. Et donc les gens peuvent publier dessus. Quand voilà, y a des, tout à fait. Toi, j'en reçois dessus. J'en reçois de plus en plus. Ça devient même. Des fois, c'est un petit peu chaud parce que j'ai du retard. Des fois, il y en a que c'est trop tard pour les mettre. Parce que c'est vrai, je suis un petit peu occupé. Mais ouais, il a 3 ans le groupe. On va atteindre si pas tard les 2000 followers. Et ouais, voilà, créer pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ça manquait. Ça manquait. Oui, tous les groupes, c'est l'avantage et le désavantage des réseaux sociaux, c'est que si on connaît pas les groupes, si on connaît pas la page, si on n'est pas follower, bon, on vient pas dessus, et quand le groupe passe, si on le suit pas, on sait pas où il est. Et là, la petite histoire, c'est que j'ai loupé un pote qui devait passer, c'est après coup. Je dis, c'est pas possible, il manque quelque chose. J'ai créé ce groupe il y a, 2-3 ans. Mmh. 3 ans, ouais, quelque chose. Très comme bien. Ça. Donc, le mieux, c'est de le rejoindre, comme ça, vous êtes au courant. Ça sera sur votre, Puis ça défilera sur votre mur. L'avantage de ce groupe, c'est que non seulement les artistes peuvent publier, faire leur promo. En plus de ça, ça a permis beaucoup public de savoir ce qu'il y a, et puis ça permet aussi aux organisateurs de regarder un petit peu ce qui se passe d'un coin à l'autre pour essayer d'avoir du monde, et puis la cerise sur le gâteau, ça permet aussi de voir pour que les groupes puissent aller jouer ailleurs et trouver des nouvelles salles et trouver des nouveaux trucs, parce que tu sais, il y a plein de bars, ça ouvre, ça ferme, il y a plein de salles, il y a plein de festivals, ça commence, ça arrête. Moi j'ai vu par exemple qu'il y a des endroits qui sont ouverts dernièrement et tout le monde défile les uns derrière les autres à cet endroit là après bon, il y en a d'autres qui ferment, et voilà, c'est comme ça. Donc si vous voulez être au courant des endroits où vous pouvez jouer, si vous avez un groupe, vous regardez les concerts à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et vous pouvez postuler. J'avais aussi un pour très y aller. Bon carnet d'adresse grâce à une personne que j'ai plus de nouvelles. Il m'avait fait un super carnet d'adresse. Il avait vraiment un gros fichier. Et malheureusement, j'ai du mal à le tenir parce qu'on ne sait plus ce qui est à jour, ce qui n'est pas à jour, où c'est ouvert, fermé, les numéros de téléphone, les mails qui changent et tout ça. C'est atroce à tenir. Ah oui, c'est quelque chose qui évolue sans arrêt. J'avais représenté sur toute la carte de la région centre tous les endroits où on pouvait aller, où il y a des adresses, tout ça, mais c'est très très très très long. Il faudrait quelqu'un à plein temps pour le tenir à jour tous les jours, le téléphone, appeler. J'avais commencé à le faire, mais c'est fastidieux. Donc non, mais bon, après les gens qui sont intéressés rejoignent le groupe, et les gens qui veulent poster dessus peuvent le poster. Voilà, ça permet notamment quand tu es camping-cariste ou autre, t'aimes bien la musique, tu te déplaces, tu vas à droite, tu vas dans une ville ou un autre. Je trouve que ces groupes-là, il y a des infoconcerts qui sont France entière. Mais moi, ce qui passe à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, ça m'intéresse. Oui, il vaut mieux que ce soit local. Hein, j'ai agrandi un petit peu, j'ai fait l'extra local, donc toute la région centre Val de Loire, tous les départements. Ça permet au moins aux gens qui circulent dans la région, qu'est-ce qu'il y a ce soir à tel endroit? Je vais taper un faux concert, je tombe sur un faux concert RCVL, et puis je sais ce qu'il y a. Enfin, si le groupe a publié, je sais où ils sont. Je peux faire mes achats et faire mon petit planning du week-end. Ce que je voulais aussi dire, c'est que bon, je veux pas te faire concurrence, mais moi j'avais une page qui s'appelait l'agenda de Mavrica avec Isabelle. Oui, on la faisait depuis de nombreuses années. C'est pas années. De la concurrence. C'est... Non, au contraire, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Et on avait l'agenda de Mavrica, qui était une page. Donc aujourd'hui, avec les trucs de Facebook ont changé légèrement. Donc aujourd'hui, on peut plus publier aussi facilement qu'à une époque. Ça devient compliqué. Ouais. À un moment, on s'est fait pirater cet agenda de Mavrica. Donc on a créé un autre qui s'appelait le nouvel agenda de Mavrica. On a continué à publier, etc. Et aujourd'hui, ça devenait compliqué à nouveau. Donc, au lieu d'avoir une page, on a fait un groupe aussi. Donc, l'agenda de Mavrica en groupe, vous y allez, vous le rejoignez, et c'est un peu comme ton groupe aussi. C'est-à-dire que on continue, parce que moi, j'ai toujours des demandes, j'ai toujours des gens qui me proposent qui m'invitent à des concerts, etc. Et je me suis dit, tiens, il faut un endroit où je puisse mettre tout ça, pour que les gens qui sont intéressés puissent aller voir ces concerts-là. Donc, c'est complémentaire. Et vous, qui nous écoutez, les artistes, vous avez envie de faire un peu de pub, allez sur le groupe à Didier et allez aussi sur l'agenda de Mavrica. Bien sûr, on est là pour ça. En plus, pour une fois, c'est gratuit. Pour l'instant, c'est gratuit. Ah. Profitez-en. Ouais. Après, on prendra les royalties, mais bon, ça, c'est en off. Profitez-en. Venez publier. Après, oui, on est à regarder. Enfin, on est lu, on est suivi. Donc, regardé. Effectivement, on peut gérer justement ces pages-là et on voit le nombre de vues, etc. Et on s'aperçoit que énormément de gens regardent quand même. Et j'ai de plus en plus de demandes. Alors là, je les annule tout de suite. Par exemple, je t'aurai le nom, mais tu as des bars, restaurants qui font des concerts, qui viennent publier ou que les artistes publient, et après ils viennent publier parce qu'ils font une choucroute, parce qu'ils font un truc, et ça je ne prends pas. Je ne prends que la musique. Je reste tout ce qui a trait à la musique, mais de temps en temps, un groupe qui vient de sortir un EP ou un truc comme ça, bon, je vais le publier. C'est pas tellement le but. Et puisque je ne publie pas, c'est tout ce qui n'a pas trait à la musique, en fait. Et puis les ventes d'instruments, les recherches de batteurs, les recherches de bassistes. Il y a d'autres groupes pour ça. Il y a d'autres groupes pour ça. Ouais. Je veux pas saturer. Il y en a énormément. Hein. Ouais, voilà. Je veux pas saturer. Donc c'est comme ça. Tiens, moi, je voulais aussi en profiter, c'est que effectivement, quand il y a des événements, des comme ça, on partage pas mal de choses sur beaucoup de groupes. Moi, je sais que sur énormément de groupes pour partager tel ou tel événement, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne publient pas du tout, qui s'y intéressent même pas. Il y a des groupes qui ne sont même pas suivis. Et par contre, il y a des gens qui administrent ces groupes-là et quand on les publie, on demande une autorisation et après on reçoit des petits messages qui nous disent voilà, tel administrateur a accepté votre truc. Donc je remercie tous ces administrateurs qui justement regardent qu'il n'y ait pas de débordement, qui sont là pour nous aider aussi. Et on remercie tous ceux qui aident les autres musiciens à promouvoir justement leur musique et leurs concerts. Les musiciens ou les émissions, moi je sais que bon, toi, ton émission, elle est mondialement, internationalement connue, donc je dirais même dans la galaxie. Je crois qu'on a dépassé les frontières de la galaxie. Mais, parce que voilà, donc moi, j'ai besoin de la faire connaître. J'ai besoin, j'en profite d'avoir le micro pour passer une petite annonce, pour trouver des invités, parce que c'est un invité par semaine et ça change, donc c'est pas évident. Si vous avez des idées, ben contactez-moi sur ma page ou sur les réseaux, vous me trouverez facilement. Alors le numéro de téléphone, c'est 06 06 06 06 06. De toute façon, il est partout, il est placardé partout, donc il est facilement trouvable. Puis il est filtré, donc voilà. Mais le fait, ouais, c'est ça, c'est que j'ai perdu ce que je voulais dire. c'est qu'on pouvait te contacter justement sur les 06. Oui, voilà, c'était par rapport au groupe de partage. Tu as entièrement raison de parler de que ce soit sortir Orléans, sortir qu'est-ce qu'on fait Orléans, enfin tout ça, ou dans le Loiret et tout ça. Ces groupes sont super super utiles et moi je sais qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui ont connu par exemple l'émission Didier & Co du jeudi à 14h à 17h sur 96.2 Arc-en-Ciel. D'ailleurs, je te remercie parce que c'est toi qui m'a proposé, qui m'a fait rentrer dans ce système-là. En les publiant sur d'autres groupes, ça permet de faire connaître et faire savoir. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter. Et maintenant, ça devient tellement difficile de pouvoir promouvoir quoi que ce soit un concert, que ça soit une sortie, que ça soit... Il y a tellement d'informations que les gens scrollent, ils sont dans le mot scroll, et ça y va. Donc si on ne publie pas dans plein d'endroits... Ça passe au travers, ça se sait pas. Alors voilà, si on veut se faire connaître, si on veut promouvoir quelque chose, il faut pas aller que sur un truc. Je pense qu'il faut aller sur plusieurs. Et je remercie donc c'est à ton nom et tu l'as fait tout à l'heure tous ces administrateurs de groupes de la région. S'il y en a qui nous écoutent, bon, on vous dit merci de nous publier et n'hésitez pas quand c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on fait, eh ben n'hésitez pas de venir sur les nôtres et on fera pareil, il y a pas de souci. On papote beaucoup quand même, on va quand même envoyer un petit peu de musique. Et après tu vas nous faire une petite chronique aussi, tu nous as préparé une petite chronique aujourd'hui. Si tu veux. Justement ça tombe bien sous le bon, elle sera rapide mais voilà, je vais préparer un petit truc. OK, donc on passe un peu de musique. Là, j'ai calé les copains d'Érapade, hein. Bien sûr. Et bon, il y a un morceau que j'aime bien beaucoup, il s'appelle Transporteur, donc on va écouter ce morceau-là pour pas changer et après on va écouter plusieurs morceaux. Et on se retrouve juste après. Ouais, eh ben écoute, comme ça. C'est parti. C'est parti. Le groupe d'Érapade avec Transporteur. senseur synchronise les battements de ton cœur. Surtout rester concentré, pulvériser les chronos et les douaniers. Tu es le roi du beau pas, si tu ralentis, tu trépasses. La semaine collée au plancher, rien ne peut t'arrêter. À moins que ce soit le tronc des arbres qui t'attendent. Si tu franchis tes limites, ta vie prendra la fuite. Accélère, accélère. Tu n'as plus rien à perdre. Tu es en limite, tout ça font du fric. De Radio Arc-en-Ciel pour l'émission Mavrika. quel rock'n'roll ça avec vous.

Voilà, retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. À vrai dire, on y était déjà dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisqu'on vient d'écouter pas mal de musique. On va remonter jusqu'à Dérapade. Donc Dérapade qui est, attendez que je recherche un petit peu dans mes fiches. Dérapade groupe, c'est le meilleur des groupes de rock ligérien crunchy que je connaisse. Voilà, tout simplement. Surtout crunchy. Ligérien, etc. Ouais, ligérien aussi, mais crunchy, c'est vraiment les meilleurs. Ouais, franchement, c'est dans le crunchy, Ils sont très, très crunch. Très crunch. Ouais. En tout cas, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Ils ont joué dans un Maverick Alive. Et puis, donc, on fait un petit coucou aux différents membres des personnes qui sont super agréables, en tout cas. Et dès qu'ils ont d'actualité, ils sont les bienvenus dans l'émission Mavericka, puisqu'on est là pour parler justement des Serge, artistes. Serge, Paul, Jérôme et j'ai oublié le quatrième. Il va nous revenir. Oui, je vois sa tête. On va le rechercher, c'est pas bien grave. On est comme ça dans l'émission Mavericka. On est un petit peu on a écouté plein de musique. Donc oui, on a écouté plein de musique. Donc on cherche qui est le quatrième, l'inconnu de celui-là. C'est le batteur. Je vois son visage et tout ça. On a écouté aussi des Dérapade avec le Transporteur. On a écouté DGM. Donc tu as écouté la voix, franchement, et puis le niveau aussi, des super musiciens. Moi, je les ai découverts au Creekfest, un groupe italien qui s'appelle Surrender. Donc ils sont pas venus dans l'émission Mavericka parce que l'italien, je le parle très mal. Eux, ils parlent, je sais pas s'ils parlent le français. Pourtant, il va falloir que tu t'améliores parce que tu sais que l'année prochaine à la Foire Expo, si nous sommes sur place, ça sera avec l'italien. Moi, j'aime bien justement le côté italien, le côté c'est le sud, c'est chaud et tout ça. Donc j'allais dire une bêtise, je dis rien du tout. Donc on continue. Donc c'était des Italiens de DGM qui chantent en anglais, qui s'appelle avec un morceau qui s'appelle Surrender. On l'a écouté. Donc là c'est une exclusivité mondiale. Donc c'est Patrick Dalpra. Alors ce monsieur-là, on l'a déjà reçu ici. On le connaît sous le nom de Patator parce que c'est un batteur qui tape fort. Oui. Il faisait partie du groupe Coda. Le groupe Coda, aujourd'hui, il est, voilà, apparemment. J'ai entendu parler de la renommée de ce batteur. La renommée de ce batteur. Et il y a quelques temps, on a reçu les Butterfly. Oui. Et avec Johan, qui faisait partie de ce groupe aussi. D'accord, avec, ils se connaissent très bien. Et, d'ailleurs, ils ont. Johan, qui est? Johan, ouais. Et du groupe Butterfly, les papillons. Tiens, on va se caler un petit morceau. J'ai tellement de trucs que je voudrais écouter. Plein de choses aussi. Et là, je suis en train de fouiller dans mes dossiers. Je trouve des trucs, des perles. On a écouté tout à l'heure Acoustic Desperados. Il n'y a plus rien sur Internet. Je ne retrouve plus rien. Le morceau s'appelle Dead or Alive. Morwif. Et la voix, vous l'avez reconnue, c'est monsieur Arnaud Walden, que j'ai eu la chance de recevoir il y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et donc c'est un projet qui n'existe plus, mais franchement, le morceau, il est trop beau. Il y en a plein. Et super bien enregistré. Juste avant eux, il y avait un enregistrement qui a été fait dans l'émission Mavericka numéro 609. C'était les Deep Turtle. Voilà, les vrais, hein. Les vrais Deep Turtle, les vrais, hein. C'est pas les imitations, c'est pas les Purple ou, c'est les vrais Deep Turtle. About a Girl, donc une reprise de Nirvana. Nirvana. Ils avaient, fait un acoustique et eux, ils l'ont fait, pratiquement, je dirais aussi bien, sinon mieux. Parce qu'il y a pas la fausse note connue. Bon, c'est pas bien. Hein. Bon, c'est une petite parenthèse. On a écouté aussi un groupe qui n'existe plus aujourd'hui. C'était dans l'émission numéro 192. Donc, comme quoi, on garde tout. C'était le groupe Sleepy Charm and the Peanuts. Avec un morceau qui s'appelle Another Broken Lie, et donc c'était dans l'émission Mavericka numéro 192, donc ça remonte. Ça remonte il y a très longtemps. Ils étaient jeunes aussi. On était tous jeunes. On était tous beaux. Aujourd'hui, on est juste beaux. On n'est plus jeunes. Voilà. On a écouté aussi le groupe Chaparvin. Alors toi, t'as pas eu la chance de les voir. Ils ont fait je sais plus combien de lives. Ils étaient partis pour jouer et ils nous ont joué plein de morceaux, dont ce morceau de Led Zeppelin qui s'appelle Down by the Seaside. Et c'était dans le Mavrica numéro 589. Donc on a pratiquement fait 100 émissions depuis. Et c'est le groupe Chaparville. Voilà. Donc c'est leur logo. Je crois que c'est un bonhomme. Enfin, c'est un truc noir, non? Il y a pas. Non, ça ressemble un petit peu. Je te dirais des bêtises parce que je l'ai vu tout à l'heure. C'est les ombres et on voit trois personnes. Ouais. Ça ressemble un peu au drôle de dame, tu sais. Ouais, c'est tout à fait ça, le logo. Et c'était le vendredi 23 mars. Là que je retrouve un petit peu parce qu'on retrouve tout. Hein. Vous pouvez aller sur. C'était en 2024 et 29 mars. C'est la 589e. Et c'était les Chaparville qui étaient ici. Et franchement, on avait passé un bon moment. Et tu sais, tous ces souvenirs, ils nous reviennent parce que heureusement, aujourd'hui, on peut graver ça dans la pierre. On grave ouais, ça. Ouais, t'as un super album là. T'as des super albums, je veux dire. C'est... Et j'ai aussi les albums photos et j'ai aussi les enregistrements qui ont été faits. Des enregistrements que vous n'écouterez jamais nulle part ailleurs, puisque c'est moi qui en ai l'exclusivité avec les groupes. Voilà, ils sont venus ici, ils ont joué, on les a enregistrés, on les diffuse parce que franchement, c'est des moments inoubliables. Non, ça se dit. Inoubliable. Ouais, je dis ça pour rire. Voilà, inoubliable. C'est pour marquer le coup. Les gens, ils disent, il a fait une bêtise. En vérité, ils ont retenu ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, on passe des très bons moments. Alors, ce soir, il n'y a pas d'invité, mais toi, tu vas nous faire ta petite chronique, alors. Bah, écoute, ouais. Tu vas nous parler de quoi dans ta chronique? Ah, bah, d'après toi. Je sais pas. Je vais te parler de musique. Non. Dans l'émission Mavrica, on parle de musique. Bah, écoute, je sais. Alors, je vais te parler de la musique au quotidien. D'accord. Voilà, c'est celle qui n'est pas sacralisée dans un zénith ou dans une aréna, mais qui fait battre le cœur des lieux de vie. Allez, plantons le décor. L'odeur du bois, le cliquetis des verres, la lumière qui baisse et les premières notes qui s'installent. Ce n'est pas un concert au sens strict, où l'on reste assis dans le noir. Non, c'est une immersion. On vient pour un groupe, pour le soutenir ou le découvrir, mais on vient surtout pour être là. La guinguette ou le bar-resto, le festival, c'est le dernier refuge de la musique organique, loin des algorithmes. Entre rupture et lubrifiant social, tu as l'habitué du comptoir. Le couple en rendez-vous câlin, le groupe d'amis et le passionné de musique qui, lui, s'est mis devant pour ne rien rater. Contrairement à la salle de spectacle, ici, le public ne doit rien à l'artiste. C'est aux musiciens de conquérir l'espace et de conquérir les cœurs. Les gens cherchent une rupture avec la semaine de travail. La musique, elle sert de lubrifiant social. Elle permet de parler plus fort, de rire et, au contraire, de s'évader dans ses pensées en fixant le batteur, en décortiquant la scénique de la chanteuse ou la gestuelle du gratteux. La musique, la qualité, le goût du vrai, c'est souvent du jazz, du blues, de la pop acoustique, du R&B, du heavy metal ou du rock de terroir. On cherche des sons qui réchauffent, pas des sons qui agressent. Le public est plus exigeant qu'on ne le pense. Si la sonorisation est trop forte ou mauvaise, les gens partent. Mais si la sonorisation est bien balancée, si le groupe ou l'artiste transmet, le public réceptionne au fin fond de son âme. Il cherche de l'authenticité, voire, bien sûr, les mains sur l'instrument. Entendre des imperfections du live, ce n'est pas une tare, c'est du vrai. Bon, ok, il n'en faut pas trop malgré tout, mais le pain et le quotidien de l'homme. Amen, ainsi soit-il. Tendre ou croustillant, le pain a toujours une saveur de vrai. L'acoustique du lieu et l'importance du volume. Trop fort, on casse l'échange. Trop bas, on devient un simple fond sonore. L'équilibre est précaire. À la pause d'un set, le musicien boit un verre avec le public. La proximité, c'est l'absence de barrière. Et c'est ce que les gens recherchent le plus. C'est ce qu'on appelle l'aspect humain. Et n'oubliez pas le saucisson. Celui qui transpire un peu sur le comptoir, celui qu'on découpe en rondelles inégales, mais qui a le goût du partage. Parce qu'au fond, ces musiciens sont des artisans. Ce ne sont pas des produits de marketing. Ce sont des ouvriers de la note qui installent leur câble entre deux tables. Ils ne cherchent pas le disque d'or. Ils cherchent le regard qui s'allume, l'amitié naissante et le respect du travail accompli. Le moment magique, c'est ce moment où, tout à coup, le brouhaha des conversations s'arrête parce que le groupe a lancé un solo ou une chanson que tout le monde connaît. Le bar devient une seule et même entité. La culture du terroir, c'est celle du cru. Ne l'oubliez pas. Soutenir les lieux, c'est soutenir l'artiste. Soutenir l'artiste, c'est faire vivre la culture de proximité. Alors, remplissez les salles, faites tourner les pompes à bière, partagez un verre avec votre ami, modération, faites décapsuler les softs, croquez dans les sandwichs jambon beurre, plantez le pic dans la planche du voisin, piquez-lui un bout de fromage, il ne vous regarde pas. Ah ! Ça sent le vécu, cette ambiance estivale. Allez, faites tourner les serviettes. La guinguette ou le resto-bar, c'est le salon de la ville. On ne vient pas consommer de la musique, on vient vivre une expérience sensorielle complète. L'ouïe, le goût, le partage, c'est l'essence même de la Night Fever, version détente. Mad in Prechemwe. Voilà donc la chronique de notre ami Didier. Voilà, c'était un petit clin d'œil, une réponse à notre ami qui était un petit peu désabusé. Comment s'appelle-t-il déjà? Je l'ai taquiné de Prisma, Christophe. Ah, Christophe, voilà, ouais, voilà. C'était un petit peu un clin d'œil pour toutes ces guinguettes, tous ces festivals, tous ces bars, tous ces... Il y en aura d'autres à venir, il y a du cinglant. Mais voilà, c'était surtout pour soutenir les artistes. Et soutenir aussi aussi ceux qui se donnent du mal à les produire, parce que c'est vraiment important de les signer. Voilà, parce que c'est bien, les artistes, ils sont là, mais ils ont besoin d'autres personnes qui les font jouer. Et donc, y en a qui demandent que ça, de jouer, d'avoir des scènes, etc. Donc, voilà, en tout cas, ils ont beaucoup de mérite, ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il faut les féliciter, franchement. Alors, nous... Dans l'émission Maverica, on est vraiment en dehors de tout ça. On n'est pas des organisateurs de concerts, on n'est rien du tout. Par contre, on est vraiment solidaire de toutes les associations, tous les organismes qui font jouer les musiciens. Il faut des gens comme vous, les artistes. Il faut des gens comme vous, chers auditeurs, auditrices. Puis il faut des gens comme nous aussi, passionnés de radio. Et ce qu'il faut aussi, c'est que surtout le public soit là. Parce que c'est ça le plus important. Sans public, on n'est pas grand chose. Et c'est tellement bien, les musiciens, s'il y a des personnes, ils joueront quand même. Mais s'il y en a 100, ça sera mieux. S'il y en a 1000, c'est encore mieux. Si on a 10 000, et ainsi de suite. Donc, franchement, venez vraiment applaudir vos musiciens. C'est surtout soutenir la culture locale, extra-locale, régionale. On en a besoin, ils en ont besoin. Ouais, mais le problème, si on veut qu'ils deviennent des artistes internationaux, si on les pousse pas dès le départ au niveau local, comment voulez-vous qu'ils deviennent internationaux? Parce que ailleurs, ils le font. Et ailleurs, c'est pour ça qu'on a des musiciens qui viennent d'ailleurs jouer ici à Orléans. Bien sûr. Et à Orléans, on en a des bons. Il faut aussi les promouvoir pour que eux aussi aillent à l'extérieur, bouger un petit peu, se faire connaître. Parce qu'on a quand même beaucoup de qualité. On vient au groupe Crunchy là. Des Rapades. Donc, le nom. Serge. Ah ben ouais. Oui. Paul. Oui. Tu l'as dit. Jérôme. Oui, à la basse. Et Thierry. Thierry, ouais, non, mais ça, à chaque fois, je dis Serge à la basse. Non, mais. C'est Jérôme. Mais c'est Jérôme. Et c'est vrai que, des fois, on voit les gens, on les connaît, on les côtoie assez régulièrement, et des fois, ça peut nous arriver de ne pas se souvenir du prénom. Mais après, ça revient. Tu vois, moi, j'ai commencé à chercher, et puis je dis, bah voilà, c'est Thierry. Bah oui, c'est revenu. Bien sûr, tout simplement. Voilà. Excuse-nous, Thierry. Et merci pour vos petites vocales que vous avez fait pour pour Didier Co, je l'ai pas de c'est sympa ça justement. Moi j'en ai un paquet aussi à trier, il va falloir que je me fasse aussi des petits jingles comme ça, mais là pour l'instant moi ce que j'ai envie de, on arrive bientôt à la fin de cette émission, elle est passée à vitesse pas possible. Et on a fait intervenir Hervé tout à l'heure, toi tu as fait ta petite chronique, on a papoté un petit peu, on a eu des gens au téléphone, on a des gens aussi sur internet là qui continuent de nous envoyer des petits mots, ça nous fait vraiment plaisir hein. Donc on a des petits mots du côté de la Touraine, donc avec Aurélie qui était venue avec le groupe Neutol qu'on a diffusé tout à l'heure, Antoine qui est en concert ce soir, en plus ils sont en concert, et il m'envoie un petit message, Antoine du groupe Red Duff, voilà. Ouais. Donc on l'embrasse très fort parce que, et je suis pressé de le revoir assez rapidement. Oui, parce qu'il avait un petit problème il avait un petit souci. Mais apparemment il est en pleine forme, donc ça me ferait vraiment plaisir de le refaire jouer, parce qu'on avait prévu de les faire jouer dans le Maverick Alive, ça s'est pas fait, mais ça sera que partie remise, il n'y a pas de souci. Il y a Claire aussi qui nous envoie un petit message, donc ils sont en concert de avec leur chanteur à Neuville, voilà. Alex, Sandre Le Bail aussi qui nous envoie un petit message. Ouais. Et après, vous pouvez nous mettre juste des petits j'aime. Alors donc, on va regarder juste un peu quoi, qui c'est qui a dans les petits j'aime. Ah, il y a plein de bonnes personnes. C'est dommage parce que il y en a certains, j'ai envie pour leur faire plaisir, justement, de diffuser leurs morceaux. Ouais. Et mes émissions c'est tellement courtes que j'ai pas toujours le temps. Mais heureusement, je t'ai laissé pas mal de dossiers. Donc la semaine prochaine. Ouais, c'est pour ça que ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, je serai tout seul ou avec un petit passage d'Hervé. Mais je serai beaucoup moins bavard et je vais vous passer plein de musique. Parce que j'ai pas le talent d'Albino. J'ai pas ses connaissances, ses compétences musicales. Parce que moi je les connais parce que j'ai reçu énormément de musiciens. À chaque fois. T'as de la bouteille. T'as quand même 15-16 ans d'émission, donc tu connais beaucoup de choses, tu connais beaucoup de musiciens sur la région. Ça sera avec grand plaisir que je vais prendre ton siège. Ou récupérer le mien, je sais pas comment on peut dire. Et puis je passerai beaucoup plus de musique, il y aura beaucoup moins de blabla. D'accord. Et il va falloir que je fasse un point parce que je sais que la semaine prochaine je suis pas là, c'est certain. Et la suivante, je sais pas, peut-être je serai revenu. Donc il faut. On se retrouvera ici, il y a pas de souci. Donc déjà pour la prochaine, c'est toi qui prends le contrôle. C'est moi qui vais piloter. D'accord, c'est toi qui pilote l'avion. Donc c'est l'avion, attention le cockpit. et Radio Arc-en-Ciel, c'est la plus ancienne fréquence. Elle ne s'est jamais écrasée. Donc continue à tenir la manche. On va faire en sorte de battre des records d'altitude, pourquoi pas. Voilà. Alors devenez auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à faire connaître le 96.2 et puis nos émissions, soutenez-les, venez, et si vous voulez apprendre le portugais, c'est l'endroit où il faut. Tu vois, le prochain morceau que je vais diffuser, c'est un morceau que j'ai téléchargé tout à l'heure pendant l'émission. Ouais, j'ai vu. Pourquoi ? Parce que il fallait des autorisations, j'ai pas réussi à les avoir, ceci cela. Donc c'est notre ami Bruno Bauer qui était venu il y a quelques années, d'ailleurs il est toujours le bienvenu dans l'émission. Donc j'ai téléchargé tout à l'heure, je me dis voilà, il est dans la boîte, on va pouvoir le diffuser dès ce soir. Je l'ai programmé juste là, ça s'appelle Push, donc c'est notre ami Bruno Bauer. Et au moment où on est en train de discuter, il nous dit merci, c'est très sympa de passer mon dernier single Push, To The Limit. Ah, c'est Push To The Limit, tu vois. Enregistré avec les copains de Panoply. Donc voilà, à la limite, il va falloir qu'on se rencarde, qu'ils viennent dans l'émission de Mavrica pour nous en parler un peu plus, parce que lui, à chaque fois, il nous envoie ses morceaux. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite Push To The Limit. Attends, Push To The Limit, c'est bien ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, j'ai vu qu'il y avait un petit message de Florent qui venait d'arriver. Oui, parce que Florent n'avait pas la possibilité d'enregistrer. Alors Florent, je vais t'avouer quelque chose, c'est que j'ai oublié l'enregistreur à la maison. Il m'avait prévenu, Florent, donc je sais qu'il nous écoute. Il m'a dit, Albino, je suis pas sûr de pouvoir enregistrer, donc emmène ton enregistreur. Je dis, oui, t'inquiète pas. Et qu'est-ce qui est en partant puis de chez moi. Il m'avait dit surtout n'oublie pas de lui dire qu'il emmène. Je lui dis oui, t'inquiète pas, et j'ai oublié de lui dire. Et le pire c'est qu'en partant de chez moi, je dis j'oublie quelque chose, je sais pas quoi, mais j'oublie. Et en arrivant ici, tu m'as dit, tu as amené l'enregistreur. Je dis, voilà, c'est ce que j'ai oublié. Et donc, apparemment, l'enregistrement s'est bien passé. Donc, Florent va quand même nous récupérer. S'il n'est pas complet, c'est pas bien grave. S'il y a une coupure, parce que limite, tu peux le récupérer à la station. On peut le récupérer ici. Mais bon, c'est vrai que, excuse-moi, Florent, toi, t'es vraiment au top parce que lui, il loupe jamais l'émission. Par contre, moi, ce soir, j'étais concentré sur l'émission, sur les autres émissions qui avaient déjà dans Sri Lanka. Et du coup, j'ai complètement oublié. Mais bon, c'était pas bien grave, il n'y avait pas d'invité ce soir, mais bon, c'est quand même sympa d'avoir un podcast. Donc on te remercie Florent pour tout ce que tu fais depuis pas mal de temps. On est vraiment content d'avoir une personne comme c'est ça, vrai, qui fait partie de l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Franchement, voilà. c'est une bonne personne. On peut personne. Récupérer les podcasts, les c'est tout les un maîtres, travail, voilà. On n'imagine pas le boulot que ça fait, parce qu'il enregistre toutes les émissions qui sont faites dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Ouais. C'est-à-dire que nous, on émet aussi des émissions de RDP International, etc. Mais toutes celles qui sont faites ici avec nos différents animateurs, du avec matin chacun, au soir, hein, chacun leur, matin, leur ouais. couleur différente d'émission à chaque fois, c'est un plaisir. Radio Arc-en-Ciel, il les poste, il les classe, nous on peut les récupérer, on peut se faire notre propre popote à nous et voilà, non, c'est très bien. Puis on peut redonner tout de suite aux artistes qu'on a reçus, aux gens qu'on a, aux invités qu'on a eus. Et puis ça fait du trafic sur le flux, sur le réseau. Et puis ça fait plaisir à tout le monde. Mmh. Voilà. Puis pour ceux qui ont piscine, ben ils ont le temps de se sécher, de changer de maillot, de se rhabiller et de pouvoir venir l'écouter après. Si on continue à parler, on va arriver à la fin de l'émission. On n'aura toujours pas diffusé le morceau de Bonobower. Qu'est-ce qu'on papote quand même. Donc, ce qu'on va faire, on va écouter ce morceau-là. Après, on se retrouve, on reparle un petit peu. Puis, je vais essayer de trouver. C'est vrai que je voudrais faire plaisir à tous les artistes qui sont venus dans l'émission Mavrika et diffuser leur morceau. Mais là, j'aurai le temps d'en passer un, voire deux. On va essayer de voir ça. Mais on va essayer de trouver les meilleurs pour faire le plus de plaisir aux auditeurs. Et puis vous inquiétez pas, il y aura d'autres émissions Mavrika. On n'est pas prêt de lâcher pour l'instant. On continue parce que c'est vraiment un plaisir pour nous de recevoir des artistes ici, de connaître plein de personnes différentes, de milieux différents, d'âges différents, et qui ont tous la même passion pour la musique. Eh ben, c'est pas mal, hein. Première écoute, comme ça, Punch to the Limit, Bruno Bauer. Bruno, si tu nous écoutes, eh ben, il va falloir qu'on se cale une date pour que tu reviennes, parce que ça fait plusieurs morceaux qu'il m'envoie comme ça, et donc il continue à travailler, etc. Et ça sera un plaisir de le recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je me souviens de son dernier passage, une superbe personne, et puis qui a beaucoup de talent, voilà. Très bien, on arrive à la fin de cette émission-là, donc j'ai choisi un morceau avant de se quitter. C'est un groupe que j'ai suivi pendant longtemps, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. D'ailleurs, son leader, son chanteur, nous a quitté cette année, donc on le regrette beaucoup. Mais il nous a laissé des enregistrements, et là, je vous propose d'écouter un enregistrement qui a été fait dans l'émission Mavrika, parce qu'ils sont venus à plusieurs reprises ici, ils ont joué plusieurs morceaux. C'est un morceau qui s'appelle « Il est tard ». Et c'est le groupe Les Garens. Voilà, donc on va se quitter avec ce morceau-là. En attendant, il est tard, mais bon, les jours se rallongent. Ouais, l'émission Mavrika se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, merci à tous ceux qui sont intervenus. Je vois, je regarde, il y a encore plein de contacts. C'est, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que les gens... Parce que moi, le premier, j'écoute des fois la radio et c'est rare que j'envoie un message. À part vraiment aux gens que je connais. Ça m'est arrivé encore jeudi dernier. Ouais, mais sachant qu'il y a des gens qui nous écoutent comme ça... le réflexe de prendre leur téléphone ou de prendre leur ordinateur pour nous envoyer un petit message pendant l'émission, bah, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et on se dit, bah, on fait ça vraiment pour partager quelque chose avec d'autres personnes qui sont réelles. Cette émission n'est pas faite avec l'IA. Elle est faite avec des êtres humains qui font quelques erreurs de temps en temps. Et c'est aussi ce qu'on aime aussi. On aime l'être humain. Et ça, c'est important parce que la perfection, à la limite, on s'en fout un petit peu. L'important, c'est que on le fasse avec notre cœur. Voilà, cette émission numéro 684 se termine. Merci Didier d'être venu avec grand plaisir. Avec moi. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de photos parce que nous des photos on n'est pas quand même narcissique comme ouais, non et faire, puis on a assez de photos comme photo, ça avec avec notre tête. Ce qu'on va faire, on va rendre l'antenne et on va se donner un rendez-vous la semaine prochaine toi avec des auditeurs et la semaine suivante je pense que je devrais être là, hein. Il faut que je regarde les dates exactement. Non, mais bon, ça devrait se faire. On va dire les phrases magiques. Et que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Everything is gonna be alright. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavrika et on va rendre l'antenne. On a peut-être le temps de passer un deuxième morceau derrière. Bon allez, on passe les Garens et derrière, je crois que je vais vous passer encore un autre morceau. Je vais chercher. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de vous faire plaisir. Voilà, on se fait plaisir. Voilà, c'est comme ça dans l'émission Mavrika. On écoute tout de suite les Garens avec un petit jingle déjà qu'ils nous avaient fait à l'époque et juste après, il est tard, une version Mavrika. Sur arc-en-ciel. J'aime les saisons, l'odeur de la moisson. Et je me fous bien de tous leurs canons. J'aimerais de nouveau voir naître les bourgeons. Mais mon esprit se noie dans un océan de confusion. Ciel, il est tard. Le vendredi, j'écoute Mavrika. S'il y a du soleil vendredi soir, que t'es chez toi, que ça vient de tes oreilles, surtout ne t'inquiète pas, que tu bosses sur ton ordi, bien peinard dans ton salon, pour une soirée réussie, n'hésite pas, monte le son. Si tu kiffes la guitare, un chorus et ton cœur bat, si la musique est ton art, que tu as ton groupe à toi, si ton dieu c'est Mick Jagger, Kurt Cobain ou Bonassa, si t'aimes aller au concert, les concerts débarquent chez toi. Le vendredi soir, ça se passe dans ma brica, on branche une guitare, qu'il soit tôt ou tard, y'a gagne dans Mavrika, installe-toi peinard, bienvenue dans Mavrika. Toute la musique que tu aimes, elle est là, viens l'écouter. Ici y'a pas de problème, le choix est diversifié, y'en a pour tous les goûts. Les styles sont présentés, du rock qui vient de partout, de très loin ou d'à côté. Si ta vie c'est la musique ou si tu fais que l'apprécier, viens vite dans ton monde magique, viens t'en sur ton canapé. Ouvre bien grand tes oreilles, l'émission va commencer. Chaque vendredi c'est pareil, la musique réalité. Le vendredi soir, ça se passe dans Mavrika, on branche les guitares en direct dans Mavrika. Qu'il soit tôt ou tard, y'a du live dans Mavrika. Installe-toi peinard, bienvenue dans Mavrika. Le vendredi soir, ça se passe dans Mavrika, on branche les guitares en direct dans Mavrika. Qu'il soit tôt ou tard, y'a du live dans Mavrika. Installe-toi peinard, bienvenue dans Mavrika. bienvenue dans ma brigade. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Indemnizações relativamente a esses mesmos pagamentos. E, portanto, o que é que isso significa? Que essas mesmas entidades estão com dificuldade em voltar a repor as suas instalações.